Chapitre 2. Madame de Staël, lors de la publication du livre De la littérature, entrait dans une disposition d'âme, dans une inspiration ouvertement et noblement ambitieuse, qu'elle conserva plus ou moins entière jusqu'en 1811 environ, époque où un grand et sérieux changement se fit en elle. Dans la disposition antérieure et plus exclusivement sentimentale, où nous l'avons vu, Madame de Staël n'avait guère considéré la littérature que comme un organe pour la sensibilité, comme une exhalaison de la peine. Elle se désespérait, elle se plaignait d'être calomniée. Elle passait du stoïcisme mal soutenu à la lamentation éloquente. Elle voulait aimer, elle croyait mourir. Mais elle s'aperçut alors que pour tant souffrir, on ne mourait pas. Que les facultés de la pensée, que les puissances de l'âme grandissaient dans la douleur, qu'elle ne serait jamais aimée comme elle aimait, et qu'il fallait pourtant se proposer quelque vaste emploi de la vie. Elle songea donc sérieusement à faire un plein usage de ses facultés, de ses talents, à ne pas s'abattre. Et puisqu'il était temps et que le soleil s'inclinait à peine, son génie se résolut à marcher fièrement dans les années du milieu. « Relevons-nous enfin !» s'écriait-elle en sa préface du livre tant cité. « Relevons-nous sous le poids de l'existence. Ne donnons pas à nos injustes ennemis et à nos amis ingrats le triomphe d'avoir abattu nos facultés intellectuelles. Ils réduisent à chercher la gloire ceux qui se seraient contentés des affections. Eh bien, il faut l'atteindre. » La gloire, en effet, entra dès lors en partage ouvert dans son cœur avec le sentiment. La société avait toujours été beaucoup pour elle. L'Europe devint désormais quelque chose, et c'est en présence de ce grand théâtre qu'elle aspira aux longues entreprises. Son beau vaisseau battu de la tempête au sortir du port, longtemps lassé en vue du rivage, s'irrita d'attendre, de signaler des débris, et se lança à toute voile sur la haute mer. Delphine, Corinne, le livre de l'Allemagne furent les conquêtes successives d'une si glorieuse aventure. Madame de Staël, en 1800, était jeune encore, mais cette jeunesse de plus de 30 ans ne faisait pas une illusion pour elle ni un avenir. Elle substituait donc à temps l'horizon indéfini de la gloire à celui, déjà restreint et un peu pâlissant, de la jeunesse. Ce dernier s'allongeait et se perpétuait ainsi dans l'autre, et elle marchait en possession de toute sa puissance durant ces années les plus radieuses, mais qu'on ne compte plus. Corinne, et le moment qui suivit cette apparition, marque le point dominant de la vie de Madame de Staël. Toute vie humaine, un peu grande, à sa colline sacrée. Toute existence qui a brillé et régné à son Capitole. Le Capitole, le cap misaine de Corinne, est aussi celui de Madame de Staël. À partir de là, le reste de jeunesse qui s'enfuyait, les persécutions croissantes, les amitiés dont plusieurs faillirent, dont la plupart se décolorèrent, la maladie, enfin, tout contribua, nous le verrons, en mûrissant le talent encore, à introduire ce génie, majestueux et couronné, dans les années sombres. À dater de 1811 surtout, en regardant au fond de la pensée de Madame de Staël, nous y découvrirons par degrés le recueillement que la religion procure, la douleur qui mûrit, la force qui se contient, et cette âme, jusque-là violente comme un océan, soumise aussi comme lui, et rentrant avec effort et mérite dans ses bornes. Nous verrons enfin, au bout de cette route triomphale, comme au bout des plus humblement pieuses, nous verrons une croix. Mais, au sortir des rêves du sentiment, des espérances et des déceptions romanesques, nous n'en sommes encore qu'aux années de la pleine action et du triomphe. Si le livre de la littérature avait produit un tel effet, le roman de Delphine, publié à la fin de 1802, n'en produisit pas un moindre. qu'on juge de ce que devait être cette entraînante lecture dans une société exaltée par les vicissitudes politiques, par tous les conflits des destinées, quand le génie du christianisme venait de remettre en honneur les discussions religieuses, vers l'époque du concordat et de la modification de la loi sur le divorce. Benjamin Constant a écrit que c'est peut-être dans les pages qu'elle a consacrées à son père que Madame de Staël se montre le plus elle-même. Mais il en est ainsi toujours selon le livre qu'on lit d'elle. C'est dans le volume, le dernier ouvert, qu'on croit à chaque fois la retrouver le plus. Cela pourtant me paraît vrai, surtout de Delphine. Corinne, dit Madame Necker de Saussure, est l'idéal de Madame de Staël. Delphine en est la réalité durant sa jeunesse. Delphine, pour Madame de Staël, devenait une touchante personnification de ces années de purs sentiments et de tendresse, au moment où elle s'en détachait, un dernier et déchirant adieu en arrière, au début du règne public, à l'entrée du rôle européen et de la gloire, quelques statues d'Ariane éperdues, au parvis d'un temple de Thésée. Dans Delphine, l'auteur a voulu faire un roman tout naturel, d'analyse, d'observation morale et de passion. Pour moi, si délicieuse que m'en semblent presque toutes les pages, ce n'est pas encore un roman aussi naturel, aussi réel que je le voudrais, et que Madame de Staël me le présageait dans l'essai sur les fictions. Il y a quelques-uns des défauts de la nouvelle Héloïse, et cette forme par lettres y introduit trop de convenus et d'arrangements littéraires. Un des inconvénients des romans par lettres, c'est de faire prendre tout de suite aux personnages un ton trop d'accord avec le caractère qu'on leur attribue. Dès la première lettre de Mathilde, il faut que son âpre et sec caractère se dessine. La voilà toute roide de dévotion. De peur qu'on ne s'y méprenne, Delphine, en lui répondant, lui parle de cette règle rigoureuse, nécessaire peut-être à un caractère moins doux. Choses qui ne se disent ni ne s'écrivent tout d'abord entre personnes façonnées au monde, comme Delphine et Mathilde. Léonce, dès sa première lettre à M. Barton, disserte en plein sur le préjugé de l'honneur, qui est son trait distinctif. Ces traits-là, dans la vie, ne se dessinent qu'au fur et à mesure et successivement par des faits. Le contraire établi, au sein du roman le plus transportant, un ton de convention, de genre. Ainsi, dans la nouvelle Héloïse, toutes les lettres de Claire d'Orbe sont forcément rieuses et folâtres. L'enjouement, dès la première ligne, y est de rigueur. En un mot, les personnages des romans par lettres, au moment où ils prennent la plume, se regardent toujours eux-mêmes, de manière à se présenter au lecteur dans des attitudes expressives et selon les profils les plus significatifs. Cela fait des groupes un peu guindés, classiques, à moins qu'on ne se donne carrière en toute lenteur et profusion, comme dans Clarisse. Ajoutez la nécessité si invraisemblable et très fâcheuse pour l'émotion que ces personnages s'enferment pour écrire lors même qu'ils n'ont ni le temps ni la force, qu'ils sont au lit, au sortir d'un évanouissement, etc., etc. Mais ce défaut de forme, une fois admis pour Delphine, que de finesse et de passion tout ensemble, que de sensibilité épanchée, et quelle pénétration subtile des caractères. À propos de ces caractères, il était difficile dans le monde d'alors qu'on n'y cherchât pas des portraits. Je ne crois guère aux portraits complets chez les romanciers d'imagination féconde. Il n'y a de copier que des traits premiers plus ou moins nombreux, lesquels s'achèvent bientôt différemment et se transforment. L'auteur seul, le créateur des personnages, pourrait indiquer la ligne sinueuse et cachée où l'invention se rejoint au souvenir. Mais alors on dut chercher et nommer pour chaque figure quelques modèles existants. si Delphine ressemblait évidemment à Madame de Staël. À qui donc ressemblait, sinon l'imaginaire Léonce, du moins M. de Lebensay, Madame de Serlèbes, Mathilde, Madame de Vernon? On a trouvé que Madame de Serlèbes a donné à la vie domestique, à la douce uniformité des devoirs, épuisant d'infinies jouissances dans l'éducation de ses enfants, se rapprochait de Madame Necker de Saussure, qui de plus, comme Madame de Serlèbes, avait encore le culte de son père. On a cru reconnaître chez M. de Lebensay, dans ce gentilhomme protestant aux manières anglaises, dans cet homme le plus remarquable par l'esprit qu'il soit possible de rencontrer, un rapport frappant de physionomie avec Benjamin Constant. Mais il n'y aurait en ce cas qu'une partie du portrait qui serait vraie, la partie brillante, et une moitié, pour le moins, des louanges accordées aux qualités solides de M. de Lebensay ne pouvaient s'adresser à l'original présumé qu'à titre de regrets ou de conseils. Cette autre moitié du caractère de M. de Lebensay se rapportait en effet à M. de Jaucourt. Quant à Madame de Vernon, le caractère le mieux tracé du livre, d'après Chénier et tous les critiques, on s'avisa d'y découvrir un portrait retourné et déguisé en femme du plus fameux de nos politiques, de celui que Madame de Staël avait fait rayer le premier de la liste des émigrés, qu'elle avait poussé au pouvoir avant le 18 Fructidor, et qui ne l'avait payé de cette chaleur active d'amitié que par un égoïsme ménagé et poli. Déjà, lors de la composition de Delphine, avait eu lieu cet incident du dîner dont il est question dans les 10 années d'exil. Guillemet. Le jour, dit Madame de Staël, où le signal de l'opposition fut donné dans le tribunat par l'un de mes amis, je devais réunir, chez moi, plusieurs personnes dont la société me plaisait beaucoup, mais qui tenaient toutes au gouvernement nouveau. Je reçus 10 billets d'excuses à 5 heures. Je reçus assez bien le premier, le second, mais à mesure que ces billets se succédaient, je commençais à me troubler. Fin des guillemets. L'homme qu'elle avait si généreusement servi s'éloigna d'elle alors de ce ton parfaitement convenable avec lequel on s'excuse de ne pouvoir dîner. Admis dans les nouvelles grandeurs, il ne se commit en rien pour soutenir celle qu'on allait bientôt exiler. Que sais-je ? Il la justifiait peut-être auprès du héros, mais de cette même façon douteuse qui réussissait si bien Madame de Vernon justifiant Delphine auprès de Léonce. Madame de Staël, comme Delphine, ne put vivre sans pardonner. Elle s'adressait de Vienne en 1808 à ce même personnage comme à un ancien ami sur lequel on compte. Voir Revue rétrospective numéro 9, juin 1834. Elle lui rappelait sans amertume le passé. Guillemet. Vous m'écriviez, il y a 13 ans, d'Amérique, si je reste encore 1 an ici, j'y meurs. J'en pourrais dire autant de l'étranger, j'y succombe. Elle ajoutait ces paroles si pleines d'une tristesse clémente. Adieu, êtes-vous heureux? Avec un esprit si supérieur, n'allez-vous pas quelquefois au fond de tout, c'est-à-dire jusqu'à la peine? Fin des guillemets. Mais sans nous hasarder à prétendre que Madame de Vernon soit en tout point un portrait légèrement travesti, sans trop vouloir identifier avec le modèle en question cette femme adroite, dont l'amabilité séduisante ne laisse après elle que sécheresse et mécontentement de soi, cette femme à la conduite si compliquée et à la conversation si simple, qui a de la douceur dans le discours et un air de rêverie dans le silence, qui n'a d'esprit que pour causer et non pas pour lire ni pour réfléchir, et qui se sauve de l'ennui par le jeu, etc., etc. Sans aller si loin, il nous a été impossible de ne pas saisir du moins l'application d'un trait plus innocent. Guillemets. Personne ne sait mieux que moi, dit en un endroit Madame de Vernon, lettre 28, première partie, faire usage de l'indolence. elle me sert à déjouer naturellement l'activité des autres. Je ne me suis pas donné la peine de vouloir 4 fois en ma vie, mais quand j'ai tant fait que de prendre cette fatigue, rien ne me détourne de mon but, et je l'atteins. Comptez-y. Fin des guillemets. Je voyais naturellement dans cette phrase un trait applicable à l'indolence habile du personnage tant prôné, lorsqu'un soir j'entendis un diplomate spirituel, à qui l'on demandait s'il se rendait bientôt à son poste, répondre qu'il ne se pressait pas, qu'il attendait. Guillemets. J'étais bien jeune encore, ajouta-t-il, quand M. de Talleyrand m'a dit, comme instruction essentielle de conduite, « N'ayez pas de zèle. » Fin des guillemets. N'est-ce pas là tout juste le principe de Madame de Vernon ? Puisque nous en sommes à ce qu'il peut y avoir de très réel dans Delphine, n'en oublions pas un, entre autres, qui révèle à nu l'âme dévouée de Madame de Staël. Au dénouement de Delphine, je parle de l'ancien dénouement, qui reste le plus beau et le seul. L'héroïne, après avoir épuisé toutes les supplications auprès du juge de Léonce, s'aperçoit que l'enfant du magistrat est malade. Elle s'écrie d'un cri sublime, guillemets. « Eh bien, votre enfant, si vous livrez Léonce au tribunal, votre enfant, il mourra !» Fin des guillemets. Ce mot de Delphine fut réellement prononcé par Madame de Staël lorsqu'à la suite du 18 Fructidor, elle courut près du général Lemoine pour solliciter de lui la grâce d'un jeune homme qu'elle savait en danger d'être fusillé, et qui n'est autre que Monsieur de Norvins. Le sentiment d'humanité dominait impétueusement chez elle, et, une fois en alarme, ne lui laissait pas de trêve. En 1802, inquiète pour Chénier, menacée de proscription, elle courait dès le matin, lui faisant offrir asile, argent, passeport. Voir la notice sur Chénier, en tête de ses œuvres, par M. Donou. Combien de fois en 92, et à toute époque, ne se montra-t-elle pas ainsi ? « Mes opinions politiques sont des noms propres, » disait-elle. Non pas « ses opinions politiques étaient bien des principes », mais les noms propres, c'est-à-dire les personnes, les amis, les inconnus, tout ce qui vivait et souffrait, entrait en compte dans sa pensée généreuse. Et elle ne savait pas ce que c'est qu'un principe abstrait de justice devant qui se tairait la sympathie humaine. Lorsque Delphine parut, la critique ne put se contenir. Elle avait trouvé un riche sujet. Toutes ses opinions, en effet, sur la religion, sur la politique, sur le mariage, datées de 90 et de 92 dans le roman, étaient d'un singulier à propos en 1802 et touchaient à des animosités de nouveau flagrantes. Le journal des débats, décembre 1802, publia un article signé A, c'est-à-dire de M. de Félès. Article persiflant, aigre doux, plein d'égratignures, mais strictement poli. Le critique de salon s'y faisait l'organe des reproches de la belle société qui renaissait. Guillemets. Rien de plus dangereux et de plus immoral que les principes répandus dans cet ouvrage. Oubliant les principes dans lesquels elle a été élevée, même dans une famille protestante, la fille de M. Necker, l'auteur des opinions religieuses, méprise la révélation. La fille de Mme Necker, de l'auteur d'un ouvrage contre le divorce, fait de longues apologies du divorce. Fin des guillemets. En somme, Delphine était appelée un très mauvais ouvrage, écrit avec beaucoup d'esprit et de talent. Cet article parut peu suffisant, je pense, car la même feuille inséra quelques jours après, 4 et 9 janvier 1803, deux lettres adressées à Madame de Staël et signées « L'admireur ». Elles sont de M. Michaud. L'homme d'esprit et de goût qui s'est porté à ses attaques, jeune, sous une inspiration de parti et dans l'entraînement des querelles dont il est revenu avec sourire, nous excusera de noter une trop blessante virulence. La première lettre se prenait au caractère du roman qui est jugé immoral. Delphine s'y voit confrontée avec l'héroïne d'un roman injurieux, dans laquelle on a également voulu, de nos jours, rapprocher Lélia. La seconde lettre tombe plus particulièrement sur le style. Elle est parfois fondée et d'un tour cavalier assez agréable. Guillemets. Quel sentiment que l'amour ! Quelle autre vie dans la vie ! Lorsque vos personnages font des réflexions douloureuses sur le passé, l'un s'écrie « J'ai gâté ma vie !» Un autre dit « J'ai manqué ma vie !» Un troisième, renchérissant sur les deux autres, « Je croyais que j'avais seul bien entendu la vie !» Fin des guillemets. Note. Les impartiaux et les curieux pourront trouver une justification de Madame de Staël sur ce point et une bonne appréciation de Delphine en général dans un livre que j'ai déjà cité, Notices et souvenirs biographiques du comte van der Dien, 1852, à la page 386, dans un journal de lecture de cet estimable Hollandais, on lit un morceau plein de sens intitulé « De certaines hardiesses de style reprochées à Madame de Staël ». Reprise. La hauteur des principes, les images basées sur les idées éternelles, le terrain des siècles, les bornes des âmes, les mystères du sort, les âmes exilées de l'amour. Cette phraséologie en partie sentimentale, spiritualiste, est certainement permise, en partie genevoise, incohérente et très contestable, y est longuement raillée. M. de Félez avait lui-même relevé un certain nombre d'incorrections réelles de style, et quelques mots comme « insistance »,« persistance »,« vulgarité » qui ont passé malgré son veto. On pourrait reprendre dans le détail de Delphine des répétitions, des consonances, mille petites fautes fréquentes que Madame de Staël n'évitait pas et où l'artiste écrivain ne tombe jamais. Madame de Staël, pour qui le mot de rancune ne signifiait rien, amnistia plus tard avec grâce l'auteur des lettres de l'admireur lorsqu'elle le rencontra chez M. Suard, dans ce salon neutre et conciliant d'un homme d'esprit auquel il avait suffi de vieillir beaucoup et d'hériter successivement des renommées contemporaines pour devenir considérable à son tour. Le journal que M. Suard rédigeait alors, le Publiciste, bien qu'il eût pu, d'après ses habitudes littéraires, chicaner légitimement Delphine sur plusieurs points de langage et de goût, n'entra pas dans la querelle et se montra purement favorable dans un article fort bien senti de M. Hochet. Vers le même temps, le Mercure en publiait un signé F, mais tellement acrimonieux et personnel que le journal de Paris, qui, par la plume de M. de Villeterque, avait jugé le roman avec assez de sévérité, surtout au point de vue moral, ne put s'empêcher de s'étonner qu'un article écrit de ce style se trouvât dans le Mercure, à côté d'un morceau signé de la Harpe, et sous la lettre initiale d'un nom cher aux amis du goût et de la décence. On y lisait, en effet, et je ne choisis pas le pire endroit. Guillemets, Delphine parle de l'amour comme une bacchante, de Dieu comme un quaker, de la mort comme un grenadier, et de la morale comme un sophiste. Fin des guillemets. Fontane, qui se trouvait désigné à cause de l'initiale, écrivit au journal de Paris pour désavouer l'article, qui était effectivement de l'auteur de la dot de Suzette et de Frédéric. N'avons-nous pas vu de nos jours un déchaînement semblable, et presque dans les mêmes termes, contre une femme la plus éminente en littérature qui se soit rencontrée depuis l'auteur de Delphine? Dans les débats du 12 février 1803, Gaston rendit compte d'une brochure in octavo de 800 pages, serait-ce une plaisanterie du feuilletoniste, intitulée « Delphine convertie ». Il en donne des extraits. On y faisait dire à Madame de Staël « Je viens d'entrer dans la carrière que plusieurs femmes ont parcourue avec succès, mais je n'ai pris pour modèle ni la princesse de Clèves, ni Caroline, ni Adèle de Sénanges. » cette brochure calomnieuse, si toutefois elle existe, où l'envie s'est gonflée jusqu'au gros livre, paraît n'être qu'un ramas de phrases disparates, pillées dans Madame de Staël, cousues ensemble et dénaturées. Madame de Genlis, revenue d'Altona pour nous prêcher la morale, faisait insérer dans la bibliothèque des romans une longue nouvelle où, à l'aide d'explications tronquées et d'interprétations artificieuses, elle représentait Madame de Staël comme l'apologiste du suicide. Madame de Staël, qui de son côté citait avec éloge Mademoiselle de Clermont, disait pour toute vengeance « Elle m'attaque et moi je la loue. C'est ainsi que nos correspondances se croisent. » Madame de Genlis reprocha plus tard dans ses mémoires à Madame de Staël d'être ignorante, de même qu'elle lui avait reproché d'être immorale. Mais grâce lui soit faite, elle s'est repentie à la fin dans une bienveillante nouvelle intitulée Athénaïs, dont nous reparlerons. Une influence amie et coutumière de tel doux miracle l'avait touchée, Madame Récamier. Nous demandons pardon à propos d'une œuvre émouvante comme Delphine, et sans nous confiner de préférence aux scènes mélancoliques de Bellerive ou du Jardin des Champs-Élysées, de rappeler ces aigres clameurs d'alors et de soulever tant de vieilles poussières. Mais il est bon, quand on veut suivre et retracer une marche triomphale, de subir aussi la foule, de montrer le char entouré et salué comme il l'était. La violence appelle la répression. Les amis de Madame de Staël s'indignèrent et elle fut énergiquement défendue. Des deux articles insérés par Ginguené dans la Décade, le premier commence en ces termes. Guillemets. Aucun ouvrage n'a depuis longtemps occupé le public autant que ce roman. C'est un genre de succès qu'il n'est pas indifférent d'obtenir, mais qu'on est rarement dispensé d'expier. Plusieurs journalistes, dont on connaît d'avance l'opinion sur un livre d'après le seul nom de son auteur, se sont déchaînés contre Delphine, ou plutôt contre Madame de Staël, comme des gens qui n'ont rien à ménager. Ils ont attaqué une femme, l'un avec une brutalité de collège. Ginguené paraît avoir imputé à Geoffroy, qu'il avait sur le cœur, un des articles hostiles que nous avons mentionnés plus haut. L'autre, avec le persiflage d'un bel esprit de mauvais lieu, tous avec la jactance d'une lâche sécurité. Fin des guillemets. Après de nombreuses citations relevées d'éloges, en venant à l'endroit des locutions forcées et des expressions néologiques, Ginguené remarquait judicieusement. Guillemets. Ce ne sont point, à proprement parler, des fautes de langue, mais des vices de langage, dont une femme d'autant d'esprit et de vrai talent n'aurait, si elle le voulait une fois, aucune peine à revenir. Fin des guillemets. Ce que Ginguené ne disait pas, et ce qu'il aurait fallu opposer en réponse aux banales accusations d'impiété et d'immoralité que faisaient sonner bien haut des critiques grossiers ou freluquets, c'est la haute éloquence des idées religieuses qu'on trouve exprimées en maints passages de Delphine, comme par émulation avec les théories catholiques du génie du christianisme. Ainsi la lettre de Delphine à Léonce, 14, troisième partie, où elle le convie aux croyances de la religion naturelle et à une espérance commune d'immortalité. Ainsi encore quand M. de Lebensay, 17, quatrième partie, écrivant à Delphine, combat les idées chrétiennes de perfectionnement par la douleur et invoque la loi de la nature comme menant l'homme au bien par l'attrait et le penchant le plus doux. Delphine ne s'avoue pas convaincue, elle ne croit pas que le système bienfaisant qu'on lui expose réponde à toutes les combinaisons réelles de la destinée, et que le bonheur et la vertu suivent un seul et même sentier sur cette terre. Ce n'est pas sans doute le catholicisme de Thérèse d'Ervin qui triomphe dans Delphine. La voix y est déiste, protestante, d'un protestantisme unitérien, qui ne diffère guère de celui du vicaire savoyard. Mais parmi les pharisiens qui criaient alors à l'impiété, j'ai peine à en découvrir quelques-uns pour qui ces croyances, même philosophiques et naturelles, sérieusement adoptées, n'eussent pas été déjà, au prix de leur foi véritable, un gain moral et religieux immense. Quant à l'accusation faite à Delphine d'attenter au mariage, il m'a semblé au contraire que l'idée qui peut-être ressort le plus de ce livre est le désir du bonheur dans le mariage, un sentiment profond de l'impossibilité d'être heureux ailleurs, un aveu des obstacles contre lesquels, le plus souvent, on se brise, malgré toutes les vertus et toutes les tendresses, dans le désaccord social des destinées. Cette idée du bonheur dans le mariage a toujours poursuivi Madame de Staël, comme les situations romanesques dont ils sont privés poursuivent et agitent d'autres cœurs. Dans l'influence des passions, elle parle avec attendrissement, au chapitre de l'amour, des deux vieux époux encore amants qu'elle avait rencontrés en Angleterre. Dans le livre de la littérature, avec quelle complaisance elle a cité les beaux vers qui terminent le premier chant de Thomson sur le printemps et qui célèbrent cette parfaite union, pour elle idéale et trop absente. En un chapitre de l'Allemagne, elle y reviendra avec un ton de moralité et comme de reconnaissance qui pénètre. Lorsque surtout on rapproche cette page des circonstances secrètes qui l'inspirent. Dans Delphine, le tableau heureux de la famille Belmont ne représente pas autre chose que cet Éden domestique, toujours envié par elle du sein des orages. M. Necker, en son cours de morale religieuse, aime aussi à traiter ce sujet du bonheur garanti par la sainteté des liens. Madame de Staël, en revenant si fréquemment sur ce rêve, n'avait pas à en aller chercher bien loin des images. Son âme, en sortant d'elle-même, avait tout auprès de quoi se poser. Au défaut de son propre bonheur, elle se rappelait celui de sa mère, elle projetait et pressentait celui de sa fille. Madame la duchesse de Breuil, si prématurément ravie à ce bonheur de famille, mais restée à jamais présente à la vénération de tous ceux qui l'ont une fois connue. Qu'après tout, et nonobstant toute justification, Delphine soit une lecture troublante, il faut bien le reconnaître. Mais ce trouble, dont nous ne conseillerions pas l'épreuve à la parfaite innocence, n'est souvent qu'un réveil salutaire du sentiment chez les âmes que les soins réels et le désenchantement aride tendraient à envahir. Heureux trouble qui nous tente de renaître aux émotions aimantes et à la faculté de dévouement de la jeunesse. En retour des bons procédés de la décade et de l'aide qu'elle avait trouvée chez les écrivains, littérateurs ou philosophes de cette école, Madame de Staël a toujours bien parlé d'eux en ses écrits. À part Chénier, sur le compte duquel elle s'est montrée un peu sévère dans ses considérations, elle n'a jamais mentionné aucun des noms de ce groupe littéraire et philosophique, qu'honorablement et comme en souvenir d'une ancienne alliance. Mais son exil à la fin de 1803, ses voyages, son existence de suzeraine à Copée, ses relations germaniques, aristocratiques, moins contrebalancées. Tout la jeta dès lors dans une autre sphère et dissipa vite en elle cette inspiration de l'an III que nous avons essayé de ressaisir. Forcée de quitter Paris, elle se dirigea aussitôt vers l'Allemagne, s'exerça à lire, à entendre l'allemand, visita Weimar et Berlin, connut Goethe et les princes de Prusse. Elle amassait les premiers matériaux de l'ouvrage qu'un second voyage en 1807 et 1808 la mit à même de compléter. Se lancer ainsi du premier bond au-delà du Rhin, c'était rompre brusquement d'une part avec Bonaparte irrité, c'était rompre aussi avec les habitudes de la philosophie du XVIIIe siècle, qu'elle venait en apparence d'épouser par un choix d'éclat. Ainsi ces grands esprits se comportent. Ils sont déjà à l'autre pôle quand on les croit encore tout à l'opposite. comme les rapides et infatigables généraux, ils allument des feux sur les hauteurs et on les suppose camper derrière, quand ils sont déjà à bien des lieues de marche et qu'ils vous prennent par les flancs. La mort de son père ramena subitement Madame de Staël à Coppet. Après le premier deuil des funérailles et la publication des manuscrits de M. Necker, elle repartit en 1804 pour visiter l'Italie. L'amour de la nature et des beaux-arts se déclara en elle sous ce soleil nouveau. Note. L'amour des arts fut toujours chez Madame de Staël quelque chose d'acquis, d'exotique, et comme une plante qui ne poussa jamais en pleine terre. Son état d'esprit naturel est très bien rendu dans une lettre que Goethe écrivit de Weimar le 27 février 1804 à son ami le compositeur Zelter, qui habitait Berlin. Le professeur Wolff et le conseiller de Müller sont restés 15 jours à Weimar. Voss y a passé quelques jours, et voilà déjà 4 semaines que nous avons le bonheur de posséder Madame de Staël. Cette femme extraordinaire va bientôt à Berlin, et je lui donnerai une lettre pour vous. Allez tout de suite la voir, elle est très facile à vivre, et vos compositions musicales lui feront certainement le plus grand plaisir, quoique la littérature, la poésie, la philosophie et tout ce qui s'y rattache la touchent plus que les arts.